avant d'aller dormir dans les étoiles. J'aimerais sur elle un jour qu'on lève le voile. On s'imagine des choses sous les étoiles. On rit, on ose, on se pose sur son étoile. J'aimerais savoir avant de m'entrevoir. Une fois tout là-haut perché sur mon étoile, j'aimerais toujours pouvoir chanter et croire. Voir l'aube sur la terre, lever le voile. Sentir, aimer, renaître, ivre d'espoir. Rien que pour ne pas être seul à la belle étoile, j'irai compter fleurettes ou belles sans voile. À la belle étoile. Déguisée d'un désir refoulé de l'enfance. C'est le chemin royal qui mène à l'inconscient. Que penses-tu de cette approche de Freud ? Bonjour Sylvie Verchère. Sylvie Verchère, es-tu là ? Bon, je rêve. Elle n'est pas là. Bon. Elle a dû couper son téléphone. Allô ? Allô Sylvie ? Tu m'entends ? Bon, eh ben on va vous passer un petit morceau de musique en attendant qu'elle revienne. Yeah. Allô ? Allô, allô ? Allô, m'entends-tu ? Allô ? Oui, allô ? Le petit problème technique me paraît à réparer. Est-ce que tu m'entends, Sylvie ? Je t'entends, mais très loin. D'accord, écoute, je vais me rapprocher un petit peu de mon micro, c'est vrai que je suis un petit peu loin. On a eu un petit souci au niveau de la console du lancer de l'émission, mais bon, voilà, après un petit tour de magie, et ouais. Ce n'était pas qu'un rêve, non, c'était bien une c'était bien une réalité. Eh bien, bonjour Sylvie. Donc, je pense que tu as pas dû entendre au départ les morceaux que j'avais lancés. Donc, j'ai entendu quand même Tchenko Namchilak, que j'adore. D'accord, oui, on en avait un petit peu convenu. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le morceau. Et voilà, donc maintenant c'est lancé. Je vais essayer de pas trop toucher à tout ce qui est bouton de mon pupitre de pilote d'avion, oui. Là, parce que c'est vrai que ça clignote dans tous les sens. Merci Annabella, qui est la secrétaire d'Arc-en-Ciel et qui est venue à la rescousse un petit peu en sauvetage. Donc tu as eu l'occasion d'écouter Accoudée au balcon, qui a été interprété par Chris Milan, auteur, compositeur, interprète, hein, et le deuxième titre était un titre de Lucas, Sur notre étoile. Bon, pour les deux groupes sont des références locales régionales du centre Val-de-Loire, hein. Je m'attelle à chaque émission de faire un petit clin d'œil aux régionaux de l'étape, hein. Voilà, donc je pense que les auditeurs l'ont bien compris, hein, nous allons nous tutoyer parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes frères et sœurs et tu es un petit peu loin de moi. Tu es tu es en Bretagne, voilà. Donc avant de te présenter un petit peu plus amplement et de nous expliquer un petit peu tout ce mécanisme des rêves. Est-ce que tu peux, je sais que tu es praticienne en psychosynthèse, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que cela veut dire ? Je vais essayer de faire rapide, de faire des gros raccourcis pour expliquer un petit peu ce que c'est, d'où ça vient, l'historique. Donc pendant des centaines, voire presque 2000 ans, on a tous vécu avec l'obligation de penser et de croire la même chose, donc il n'y avait pas de problème, on avait un corps et une âme, point final. Si on rentrait pas dans le moule, on était excommunié, voire assassiné. Et puis le christianisme s'est scindé en plusieurs parties, et notamment entre le catholicisme et le protestantisme. Et là, on s'est trucidé entre nous, entre voisins et entre membres de la même famille. Donc, ça pouvait pas continuer comme ça. Il y a des gens qui ont commencé à se poser la question de comment on peut vivre ensemble sans penser, sans croire la même chose. C'est à partir de là qu'on a commencé à dissocier un peu la croyance religieuse de la vie profane. C'est-à-dire on a commencé à dissocier l'Église de l'État pour aboutir à la loi de 1905 qui nous régit encore, hein, qui fait notre fameuse laïcité. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil sans se retrouver brûlée sur la place publique. Et on peut aussi commencer à se demander si les femmes ont une âme et un cerveau. Et on peut aussi se demander ce qui se passe dans l'âme. C'est ainsi qu'il y a des chercheurs qui ont commencé à pouvoir faire ces explorations sans risque pour leur vie même. C'est là que sont arrivés donc des gens comme Freud et Jung pour les plus célèbres. Et ces deux personnages donc se sont penchés sur l'inconscient et en particulier l'analyse de rêve. Ils ont rencontré un jeune psychiatre italien qui s'appelle donc Assagioli, qui lui a formalisé ce qu'on appelle la psychosynthèse. Donc moi j'ai un gros parcours jungien, mais j'ai passé une certification de la psychosynthèse parce que c'est très pragmatique, c'est facile à travailler avec soi-même, mais il a enrichi aussi son savoir, ses savoir-faire par tout ce qu'ont apporté les psychologues humanistes américains. Donc voilà un peu d'où vient la psychosynthèse. Donc on est dans l'exploration de l'inconscient. D'accord. Tu viens de nous présenter un petit peu les deux figures monumentales de l'histoire de la psychologie et de la psychiatrie, si je ne me trompe pas. Je te cache pas que mon cerveau est déjà un petit peu en ébullition. Alors je vais me permettre et je vais même proposer aux auditeurs, aux auditrices et auditeurs, de faire une petite pause musicale. Et je vais, on va tous partir dans un petit tourbillon de la vie, un morceau qui est chanté par Jeanne Moreau. Bah, avec plaisir. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Mangela. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sautant, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Eh bien voilà, une petite pause musicale pour redescendre un petit peu l'ébullition du cerveau. C'était un morceau donc de Jeanne Moreau, une sélection de notre invitée Sibylle Verchair. Après ces tourbillons de la vie, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet du rêve, puisque tu es aussi une praticienne de l'analyse des rêves, et c'est un petit peu l'objet, le sujet d'aujourd'hui. Comment dirais-je? Comment lire? Alors, je vais y aller direct, hein, parce que j'ai beaucoup de questions et j'ai reçu aussi quelques questions de personnes qu'on essaiera de passer après, enfin, de lire et tu expliques en fin d'émission, dans le dernier quart d'heure. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment lire les rêves? Quel est ce langage symbolique et quel veut dire les objets représentés, les figures, les couleurs, par exemple? On va essayer d'y aller par thématique. Déjà, je vais peut-être vous parler de d'où viennent les rêves, hein, comment ça fonctionne. En fait, c'est une manifestation de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est cette partie de nous qui est, elle est agissante et vivante. Et elle n'est pas consciente par définition, puisqu'elle est inconsciente. Certaines traditions appellent l'inconscient l'âme ou autre monde, hein, mais c'est la même chose. Et cet inconscient, il est toujours en activité, même le jour, quand on ne dort pas. Mais c'est lorsque la conscience s'endort, quand on dort, que nous accédons à son activité. C'est donc pas réellement un message qui nous est envoyé par une volonté intérieure, un Dieu tout-puissant ou un papa intérieur, mais c'est le défilement réel de ce qui se passe en nous sur le plan psychique. Et ça devient un message par le sens qu'il porte et aussi par le dialogue que ça instaure avec l'inconscient. Et cette notion, c'est une évidence pour nous depuis la nuit des temps, en fait, hein, quel que soit le nom qu'on a pu lui donner. Parce que cette étude des rêves, elle est pratiquée depuis toujours. Alors, en général, c'était pour soigner, mais aussi pour anticiper l'avenir. On reparlera de ça un petit peu plus tard. On sait que dans les sociétés traditionnelles, en général, le matin, les gens se réunissaient sur la place du village et échangeaient leurs rêves pour voir si dans les rêves, on pouvait voir que la chasse serait bonne ou comment soigner une maladie ou comment régler un conflit de voisinage. Mais on sait aussi qu'en Grèce ancienne, il existait carrément des sanctuaires qui étaient dédiés au dieu de la médecine qui s'appelait Asclépios. par exemple, dans un lieu qui s'appelle Eleusis aussi, hein, on a des traces, mais en Égypte aussi, il y avait des temples sanatoriums. Donc, dans ces temples, les gens malades, hein, alors malades du corps ou de l'esprit, hein, se soumettaient à un rituel de purification. Ils se lavaient, ils faisaient des jeûnes, ils faisaient brûler de l'encens, ils faisaient des prières, et ensuite ils passaient la nuit dans une zone sacrée, un sanctuaire, pour provoquer un rêve thérapeutique qu'on appelait incubation. On connaît ça aussi chez nous, par exemple chez les Celtes. Il existait un rituel qui s'appelait Limbas Forosne, qui consistait encore une fois à se purifier, se laver, jeûner. Bon, eux, ils avalaient aussi un petit morceau de viande animale. Alors, il semble que c'était du chien, ce qui n'est pas anachronique du tout. Et ensuite, ils allaient s'endormir dans des lieux sombres et isolés, justement pour aller chercher les fameux rêves. Donc ça, c'est ce qu'on connaît du monde antique et traditionnel. Ensuite, on est rentré donc dans une période où on a un peu oublié, on a surtout diabolisé les rêves, parce que c'est pas bien du tout de rêver de femmes lascives ou de garçons sexy. Donc l'Église aimait pas trop ça. Et donc c'est l'approche moderne qui est arrivée avec Freud et Jung, qui ont porté de nouveau attention à la fonction des rêves. Mais en fait, ils n'ont rien découvert du tout. Hein. Ils ont mis des mots accessibles à notre entendement d'humain moderne. Et par exemple, l'inconscient collectif défini par Jung, c'est l'autre monde du monde antique. Le temps, on connaît le temps du rêve, par exemple, hein, chez les aborigènes d'Australie. Le temps du rêve, hein, chez les aborigènes. D'accord, oui. Et ce que nous, on appelle les archétypes, bah, c'était les divinités chez les polythéistes. Hein. Et moi, je précise ça parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'ils n'ont rien sorti de leur chapeau, comme avec une baguette magique. Parce qu'on voit plein de choses comme ça, un beau matin, on a trouvé un nouveau truc, on ne sait pas trop d'où ça sort. Alors que là, on voit qu'il y a une filiation qui se fait depuis la nuit des temps. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à l'être humain. C'est vraiment, vraiment passionnant. Je ne savais pas que tu avais toute cette connaissance. Tu ne connais pas ta sœur? Non, je rappelle quand même aux auditrices et aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans, que Sylvie, la praticienne, est ma sœur. Donc, non, est ta sœur, est ma sœur. Et c'est comme ça que voilà, on peut discuter un petit peu plus aisément, malgré que je le cache pas, être un petit peu tendu, parce que ben aujourd'hui c'est quand même est-ce que c'est un signe, est-ce que je sais pas, mais c'est ma toute première tout seul dans le studio, hein, c'est pour ça et tout à l'heure ça. Ah, c'est un baptême. Ouais, c'est un baptême, il faut toujours un baptême et voilà, mon parrain albino ne pouvait pas être là et voilà, heureusement qu'il y avait quand même un esprit féminin qui était là avec Annabella qui est venue me sauver. Voilà, donc très passionnant. Avant de passer dans une deuxième petite page, on va dire musicale de locaux que je vais expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer dans le côté association, amplification, archétype, comment se structure un rêve? Tu peux développer, hein. Alors, comment se structure un rêve? Les rêves, ils ont une structure. C'est pas n'importe quoi. Si vous commencez à les regarder et à les noter, par exemple, vous verrez ce que Jung a vraiment identifié, c'est qu'il y a une introduction dans le rêve, un contexte, qui va nous dire tout de suite de quoi ça va parler, quels vont être les personnages qui vont interférer, dans quel contexte. C'est vraiment le terme contexte. Ensuite, il va y avoir tout un ensemble de péripéties, alors une ou plusieurs, qu'on peut appeler le drama, avec peut-être le cœur du rêve, parce que ça va ressembler, c'est un peu comme un parfum, avec le parfum de tête, le parfum de cœur et le fond, etc. Et puis à la fin du rêve, il va y avoir souvent ce qu'on appelle la lie, c'est-à-dire la conclusion. Souvent c'est une ouverture, c'est une résolution du rêve. Alors des fois il n'y en a pas, ça veut dire que il faudra re-rêver la chose et revenir dessus. La majorité des rêves se déroulent de cette manière-là. Et donc c'est intéressant pour nous parce que ça permet vraiment de suivre le fil. Donc ça c'est les rêves classiques, mais on peut avoir ce qu'on appelle des images hypnagogiques. Oula. C'est quand vous endormez. Des images hypnagogique. Ah, d'accord, hypnotique, en fait. Hypna, comme hypnose. D'accord, ok. Donc, c'est de la même nature que le rêve, sauf que c'est très court, c'est comme c'est un flash. Voilà, le soir, quand on est encore un petit peu conscient, mais un petit peu endormi, et on peut avoir ces images qui apparaissent, et elles sont très parlantes. Ça fait partie des rêves, ça fait partie du passage du conscient à l'inconscient ou... Oui, tout à fait, oui, c'est la même chose. Hein. D'accord. C'est la même chose. Ça, c'est des choses qui m'arrivent souvent, par contre. Et quand c'est le matin, ça s'appelle hypnopompique. Oula. C'est plus rare. Moi, j'en ai pas le matin. Par contre, j'en ai beaucoup, beaucoup le soir. Ou quand je fais des siestes aussi. Ça t'arrive de faire des siestes? Je peux donner que... Oui, j'aime bien. Parce que ça me permet de rêver. Ben voilà. Et moi, j'en ai assez souvent des images hypnagogiques. Alors, ça peut être des choses... Ça m'est arrivé de voir arriver une espèce de forme noire qui me rentrait violemment dans le front. Voilà. Ou alors, je vois des bouquets de fleurs ou des choses comme ça. Ça, c'est mieux, ça. Et c'est toujours... Mais tout est bien parce que tout veut dire quelque chose. Oui, bien sûr. Je pense qu'on ne fait pas ces rêves ou ces images hypnagogiques, quelque chose à tes souhaits. C'est un petit peu dur pour moi. Ça fait pas partie des mots de mon vocabulaire. Hein. Mais effectivement, cette signification. Je me suis toujours posé la question pourquoi ces petits flashs et des fois peuvent se suivre. Alors des fois, on va faire une extraction tout de suite. On va se réveiller, on va se remettre dans le conscient. Oui. Et hop, on va repartir et on a soit cette image qui revient ou alors on repart sur une autre image et petit à petit, on part dans le rêve. Enfin, on part dans le. Oui, dans parce le que on disait tout à l'heure que l'inconscient il est tout le temps en activité. Et pour y accéder, il faut être dans un état particulier de baisse de la conscience. Et donc, au moment où on s'endort, la conscience commence à s'endormir et ça ouvre la porte donc vers l'inconscient. D'accord. C'est ce qu'on peut faire aussi, je pense, quand on est en pleine... on va pas trop partir sur le sujet, parce que ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission, mais sur le côté méditation, sur le côté quand oui. on est vraiment, comme les font les yogis ou autres, de partir oui, oui. et de voir ou des couleurs, ou des c'est couleurs, ça. Ou de... D'accord. C'est ça. On pourrait même aller plus loin, parce qu'il peut arriver... Tu peux aller plus loin, à certaines personnes... des fois, on est en pleine activité et puis tout d'un coup, il y a des images qui passent devant notre tête. Et donc là, la conscience est là, mais l'image inconsciente est tellement forte qu'elle arrive à passer par-dessus. Donc ça, on pourrait l'appeler carrément des visions. D'accord. Ah, c'est ouais, carrément des visions. Okay. Oui, donc c'est pas du délire, c'est juste cette émergence d'une image de l'inconscient et ça peut être très fort. Donc quand on n'est pas au courant de ces mécanismes qui sont des mécanismes naturels, ça peut faire flipper. Hein. Oui, je n'en doute pas et ça, d'abord ça fait flipper quand on n'a pas les explications. Non, c'est totalement naturel. L'inconscient fait partie de notre être hein, et de notre humanité. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, c'est un processus naturel, de la même manière que les arbres poussent, que le soleil éclaire la journée, etc. Non, ça n'a rien de pathologique. C'est le travail de notre mécanisme humain oui. et du cerveau qui malgré qu'on se mette en phase sommeil pour récupérer de l'énergie et faire travailler un petit peu tout ça, on produit un petit peu ce genre de choses pour analyser, je pense, je vais pas dire le bien et le mal, mais le rouge et le noir et le blanc, en fait, le yin et le yang, non? Alors, on va plutôt parler yin et yang, oui, plutôt que le bien et le mal, parce que l'inconscient n'a pas les mêmes notions que nous du bien et du mal. Nous, on a des notions morales, d'accord. de société, de culture. L'inconscient, lui, ses notions, c'est est-ce que c'est de la souffrance ou est-ce que c'est de la joie? Ce qui est complètement différent. Et quand il ressent, il y a la souffrance dans l'inconscient, il va lancer un mouvement dans les profondeurs pour essayer de rééquilibrer le conscient et l'inconscient de manière à ce qu'on se dirige plus naturellement vers la joie. D'accord. c'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Ouais, c'est plus joli. Puis dit avec des mots comme tu les emploies et avec ta voix, ça passe beaucoup mieux qu'avec la mienne, c'est sûr. Moi, l'inconscient ne nous fait jamais la morale. Ouais, mais il nous dit, là il y a de la souffrance, fais quelque chose s'il te plaît. On n'en parlera pas, on va pas développer, mais c'est un petit peu comme ce qui est à la grande mode en ce moment, l'intelligence artificielle qui analyse sans avoir de ressenti, quoi. Voilà. Oui, bon, c'était autre chose. Ouais, c'est autre chose, mais c'était une façon de pour moi aussi de tenter de voir les choses, et on rentrera pas dans le sujet, du moins aujourd'hui. Ben écoute, voilà. Sylvie, moi je vais te proposer une petite rebelote pour une petite page musicale. Alors là, nous allons avoir deux titres. C'est une pause découverte de locale, on va dire, de groupe, parce que j'aime bien m'atteler dans l'émission, comme je le disais, tout en faisant découvrir aux auditeurs, aux auditrices des sujets bien différents chaque jeudi. J'aime bien aussi leur faire découvrir les groupes locaux, parce que je suis très porté musique locale, régionale. Et là, je vais donc te proposer deux titres d'un groupe, enfin c'est un duo qui s'appelle Sika. D'ailleurs, ils sortent leur deuxième album Sun et Moon. Ça a un petit peu un bien avec le rêve, hein, le soleil et la lune. Ils sortent leur deuxième album le 16 janvier sur les plateformes de streaming. Et le 17, ils seront en concert à l'Alliage à Olivet. Alors, je sais que je mettrai tous les renseignements sur ma page Didier & Co. Et je sais que la billetterie est déjà ouverte pour ceux qui le souhaitent, aller découvrir donc ce sympathique groupe et cette super voix de notre amie Jess, la chanteuse de Sika, puisque Sika vient du mot Jess Sika. Voilà. Et ben, je vais vous faire donc moi voyager un petit peu avec Sika, et on va sortir son prochain là, qui s'appelle Alone, qui m'a envoyé hier soir très tard. On l'a téléchargé, et on va donc partir sur Alone, et c'est parti. Comme ce titre l'indique, ce n'était pas Alon, mais simplement un autre titre qui s'appelle Pur. J'espère que tu m'en voudras pas trop, Jess. De toute façon, je pense qu'on va se voir le 17 à l'Alliage. Voilà, et là, je vais bien vous caler le morceau qui s'appelle Alon. Alors, c'est les deux mêmes, mais inversés. Arc-en-ciel, 96,2 MHz. Toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96,2 MHz, sa région d'Orléans. Et vous êtes avec Sylvie qui analyse les rêves dans l'émission Didier & Co. Sylvie, tu es toujours là? Allô? Oui, je suis toujours là, oui. J'avais peur de t'avoir perdu une deuxième fois. Je ne me suis pas endormie. Voilà, ne me fais pas peur comme ça. Comment as-tu trouvé cette voix de Jess? Non, je t'entends, ouais. Je suis là. Comment as-tu trouvé ce morceau de Jess, hein, Jessica? Je trouve que ça tombe très bien pour dormir et rêver, justement. Voilà, tout à fait, c'était son choix qui m'a envoyé ça assez tard, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on va repartir un petit peu dans l'explication de nos rêves. Alors, tu as le temps, Sylvie, hein, tu as le temps de rêver toute l'après-midi avec moi et avec nos auditeurs et auditrices. Hein. Peux-tu nous expliquer, alors, plusieurs plusieurs questions dans une, en fait. Peux-tu nous expliquer, d'une part, les séries de rêves, les différents types de rêves, et après, en partant un petit peu sur ce qui nous travaille tous, c'est ce qui nous met en transpiration, qui nous fait réveiller la nuit. Souvent, les enfants faisaient pipi dans le lit, les cauchemars. Donc, je réitère ma question. Peux-tu nous expliquer les séries de rêves, les différents types de rêves et les cauchemars? Alors, là, ça fait beaucoup de choses. Alors, on commençait par les notions de séries de rêves. En règle générale, on analyse un rêve. Et surtout quand on se fait accompagner par un spécialiste, on analyse un rêve. Oui, on en parlera tout à l'heure, oui. Très intéressant, mais c'est encore plus intéressant d'avoir sous la main un ensemble de rêves qui se suivent. Alors, ça peut être 3-4 rêves, 10 rêves, 50 rêves, 100 rêves, voire 1000 rêves. Moi, je note mes rêves depuis 20 ans, donc j'ai une grande série qui me concerne. Et là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit comment ça fonctionne dans l'inconscient. Ça va traiter certaines problématiques et ça va évoluer ou régresser, mais en général, c'est plutôt vers l'évolution. Et ça va pas le faire de manière linéaire. Ça va le faire un peu en boucle, comme si l'inconscient travaillait par entrelacs. Et donc ça nous aide vraiment sur notre chemin de vie. Donc la série, elle est vraiment importante, d'autant plus que ce cheminement nous amène vers le déploiement de ce que nous sommes vraiment en tant qu'être humain. Et c'est ce que Jung avait appelé l'individuation. L'individuation, c'est devenir qui on est vraiment, et en laissant de côté toutes les valises qu'on a pu hériter de notre enfance et même du transgénérationnel. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on voit l'individuation comme la réalisation merveilleuse de ce que l'on peut faire, comme si on était tous, je sais pas, des personnages hors du commun. Or, à l'observation des rêves, il me semble vraiment que ce que cherche l'inconscient, c'est qu'on devienne des êtres humains. Oula. Et pas autre chose, comme un petit gland va devenir un chêne, ou je sais pas, un petit chat, un chaton va devenir un chat et pas une belette. Ce qu'attend l'inconscient, c'est qu'on incarne ce que l'on est en tant qu'être humain avec toutes les qualités de l'être humain. Et c'est pas si facile à faire parce que les cultures humaines souvent viennent en contradiction avec la profondeur exacte de ce qu'est un être humain. Ça peut faire de nous des êtres qui n'ont plus accès à leurs émotions, qui n'ont plus la fluidité spirituelle, etc. Et l'inconscient semble vraiment axé sur ce genre de choses. Donc les séries sont très précieuses quand on veut lire sous cet angle-là. D'accord. Non, oui, vas-y. Je sais plus quelle était ta question suivante. On a vu, tu nous as expliqué la série des rêves un petit peu, mais les différents types de rêves. Ah, les différents types de rêves. En deuxième. Alors ici, tous les rêves sont des rêves en fait, y compris les cauchemars, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on arrive à identifier des rêves un petit peu différents. Il y a ce que Jung appelait les grands rêves, par exemple. Donc, ce sont des rêves qui vont nous montrer un schéma plus global qu'une problématique particulière. Parce qu'on va avoir beaucoup de rêves qui vont nous montrer des problématiques particulières, voire quotidiennes, quand notre pensée est unilatérale, quand on est trop axé sur un mode de pensée, je vais prendre, ou même de comportement, quelqu'un qui est vraiment très prétentieux et trop prétentieux, le rêve va lui montrer qu'il est aussi quelqu'un qui vaut rien. Quelqu'un qui est trop fier, il va rêver qu'il se trouve au fond d'un fossé et qu'il a plus d'argent. Donc il y a une notion comme ça de complémentarité. Sur des problématiques quotidiennes. Il va nous rectifier aussi sur des pensées erronées. D'accord. Alors je pense à un rêve que racontait Jung où il s'était un peu frité avec un de ses collègues. Il avait été vexé comme un pou. Et dans son rêve, il avait vu l'image d'un dicton allemand avec quelqu'un sur son dos qui veut dire « mais c'est pas grave en fait ». Et donc, d'accord, ça avait un peu rectifié. Et moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu mesurer cette expérience. Je parlais dans la journée, je parlais de ma grand-mère, hein, qui est ta grand-mère. Oui, oui, notre grand-mère. À des amis, en donnant tous ses côtés positifs, tout l'amour, la tendresse, les soins qu'elle nous avait apportés, etc. Et la nuit même, je rêve que je suis avec elle dans la forêt. Il y a un chat qui arrive et qui passe à côté de sa jambe. Et ce chat, il est tout sanguinolent sur le flanc. Et là, le rêve est en train de me dire, rééquilibre ta grand-mère, c'était plein de belles choses, mais c'était aussi cette blessure au féminin, parce que le chat a quelque chose à voir avec la fonction féminine, la sensualité, etc. Et ça, c'était les côtés de la grand-mère qui m'apprenait que les filles, c'était fait pour servir les garçons, par exemple. Ouais, donc là, on voit bien le rééquilibrage que tente de faire l'inconscient pour passer au-delà de la souffrance et prendre conscience des choses, nommer les choses. Donc ça, c'est vraiment très courant. Mais après, il y a ces grands rêves qui vont nous montrer plus un schéma global de vie par où on va passer. Et ils vont nous montrer des images assez grandioses ou assez compliquées, si ça devient des cauchemars d'ailleurs. Oui, bon, on va y venir juste après. Je sais pas après. Si c'est clair tout ce que je raconte. Mais je sais pas, peut-être que j'aurai, n'hésitez pas, hein, sur Didier & Co, sur la page Facebook, de nous donner vos commentaires et votre ressenti sur l'émission, sans oublier que cette émission, normalement, est enregistrée par Florian Amigo, qui est pas trop loin de la radio, qui m'a envoyé un petit message hier, et qui nous fait tous nos podcasts. Hein. Donc, non, si tout se passe bien, Florent nous fera le podcast, sinon je l'ai récupéré à la radio un petit peu ultérieurement par le biais d'Annabella ou autre. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris, il y a deux possibilités. Soit on recommence à zéro et on refait l'appel téléphonique et on refait l'interview depuis le début. Et là, prenez un enregistreur et faites ce qu'il faut. Ou alors on continue et tu répondras ultérieurement via la page si jamais il y avait des questionnements autres. Voilà, c'est vrai que pour expliquer tout ce... Oui, pardon. Oui, parce que du coup, ça me permet de reprendre un peu le fil de mes idées. On parlait des types de rêves. Il peut y avoir des rêves qu'on appelle des rêves purges. Ça, c'est, il n'y a pas longtemps, en fait, qu'on parle des rêves purges, mais ils existent depuis toujours. C'est des rêves qui nous montrent comment on est en train de nettoyer, justement, toutes les scories, toutes les saletés, hein, tous les vilains caca qu'on a engrangés dans notre psychisme à travers notre enfance et notre transgénérationnel. Et puis, bien sûr, il y a les cauchemars. Donc, les cauchemars, en fait, ce sont des rêves, sauf que ces rêves-là, ils éveillent chez nous des émotions de peur, voire d'angoisse. Pourquoi pas de terreur, hein. Tu parlais de terreur. Ah oui, des fois, enfants. Oui, ça peut être la terreur. Les enfants vont se réveiller comme ça. Oui, parce qu'ils n'analysent pas pareil. Je veux dire, Et souvent, notre réflexe, c'est « Oh, quelle horreur, je veux l'oublier tout de suite, je veux pas y penser, hop, je mets mon mouchoir dessus, on n'en parle plus. » Et ça, c'est une erreur, parce que les cauchemars nous livrent beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur tous les éléments sur lesquels on a progressé, à travailler pour sortir de la souffrance et aller vers la joie. Donc, soyons très bienveillants avec nos cauchemars. D'accord. Et dans les séries de rêves, quand on suit quelqu'un, c'est vraiment, à chaque fois ça fonctionne, hein. Les premiers rêves vont montrer des cauchemars, hein. Et au fil du temps, hein, surtout quand il y a un accompagnement thérapeutique, les rêves vont être plus légers, plus fluides, plus lumineux, et ça terminera qu'il n'y aura plus de cauchemars. Oui, peut-être, mais d'ici quelques années, alors d'ici quelques décennies, parce que c'est des années. Voilà, vu l'actualité, on a de quoi cauchemarder. On a de quoi cauchemarder. Et en plus, les yeux ouverts, hein. L'inconscient, le temps, pour lui, c'est pas du tout la même chose que pour nous. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais effectivement, mais c'est vrai que le fait des cauchemars, moi, je trouve que ce qui est un petit peu dommage, mais même pour moi, je prêche pour ma paroisse, c'est qu'on ne fait on ne fait pas assez attention à ce que l'on rêve, à ce que l'on fait, et tout en sachant que ça fait partie de nous, et que des fois, ça serait bien qu'on s'appuie sur des thérapeutes, sur des analyses avec des spécialistes. Oui, mais parce que c'est très compliqué de travailler sur soi-même, parce que on est confronté à de la souffrance intérieure, et puis parce que c'est aussi se remettre en question. Je peux prendre l'exemple de plusieurs cas que j'ai pu traiter, et même mon cas, c'est que moi j'avais pas conscience de la réalité des choses que j'avais pu vivre dans mon enfance ou même dans ma vie, et à un moment donné être confronté à ça et accepter le fait que ben non, c'était dégueulasse, c'était pas sympa, c'était vraiment de la souffrance, c'est vachement dur à accepter. On préfère être dans le déni, donc c'est pour ça que c'est compliqué, hein, et qu'on perd beaucoup de temps. C'est quand on entend beaucoup dire encore aujourd'hui par rapport à l'éducation des enfants, quelques baffes, ben ça fait pas de mal, on en a tous bon, eu, mal, j'en suis pas bon, mort. Ah ben oui, j'en suis pas mort, mais qu'est-ce que ça a fait sur le plan psychologique qui fait que derrière j'ai traîné des valises. Et donc à un moment donné dire mon père il me foutait des baffes tous les jours, on fait pas ça à un enfant, c'est vachement dur parce que ça remet en question tout notre système de valeurs. D'accord. Et ça c'est compliqué pour l'être humain. Oui, je comprends. Ouais. Mais en fait, le fait, moi je sais que je suis sujet, quand je vois des choses souvent à la télévision, je les cauchemarde pas tout de suite, pas dans la même journée, mais j'ai vu des images très fortes, je veux pas parler de sujets ou d'autres, mais des images très fortes, et je sais que ces images m'ont marqué, quelques temps plus tard, même des fois, voire beaucoup plus tard, J'y suis dans cette image. Je suis, on voit sur les bombardements, enfin sur tout un tas de choses qu'on peut voir actuellement. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'inconscient, il va prendre cette image qui t'a marqué consciemment pour te montrer autre chose. Parce que son langage, c'est le langage du symbole. D'accord. Il parle pas le même langage que nous. C'est une autre langue qu'on a maîtrisée pendant très longtemps et qu'on a complètement oubliée, qui est un symbole analogique. Et donc, il va prendre les images qui sont au plus proche de toi, de ce que tu as pu ressentir sur le plan émotionnel, pour te dire quelque chose. Par exemple, si je vois à la télé, des avions de guerre, et que 3 mois après, je rêve qu'il y a des avions de guerre qui viennent pour m'attaquer, il n'est pas en train de me montrer ce que j'ai vu à la télé. Il utilise ce que j'ai vu à la télé pour m'indiquer que dans ma psyché, il y a un conflit avec quelque chose d'agressif. D'accord. Soit c'est quelque chose de l'extérieur qui vient et qui tente de m'agresser, mais ça peut être aussi quelque chose en moi, dans mon propre inconscient, qui m'agresse moi-même. D'accord. Genre penser que je suis nul, que je réussis rien, et ce genre de choses. Ça t'arrive de le rêver que tu es nul et que tu réussis rien ? Toi ? Je pense que j'ai dû le rêver à une époque, mais aujourd'hui ça va mieux. Ouais, mais ça c'est le trauma de la vie, on va dire. Oui, mais c'est ça. Mais l'inconscient, il traite de. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de traiter les traumas, justement. D'accord. Qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient graves. Lui, il ne regarde pas si c'est petit ou pas petit. Hein. Il veut traiter tout ce qui génère de la souffrance. D'accord, parce que nous, on a les images que l'on voit dans la vie de tous les jours, hein, dans le réel, à des choses choquantes, des bonnes choses aussi. Et puis après, ce sont des images qui nous reviennent souvent dans le subconscient. Et qui nous amène à faire des rêves, à rêver de ça. Et ça, je trouve que c'est quand même assez. Et ça te dit quelque chose de toi. D'accord. Tu vois ? Ok. Parce que ça correspond sur le plan symbolique. Ça représente la même chose entre ce que tu as vu à l'extérieur et ce qui se trouve à l'intérieur de toi. D'accord. Donc. Je sais que c'est pas toujours évident à comprendre comme ça à la radio. voilà, il faut se pencher un petit peu plus sur le problème, mais c'est très très très très enrichissant et ça ouvre plein de portes et des ouvertures aussi au rêve. Voilà, avant de passer sur une petite pause musicale, bah oui, parce qu'il en faut, il faut un petit peu de musique dans ce monde pour pouvoir s'évader et partir rêver les yeux ouverts, soit sur un balcon ou soit directement dans la rue. On a pensé un petit peu de quoi parlent les rêves, le côté compensatoire, le rééquilibrage, la purge, les dissociations, les traumas, l'individuation. Mais est-ce que tu peux me parler, j'ai lu quelque part un mot qui m'a... Je pensais que ça pouvait être une erreur, que la personne avait fait une erreur de frappe. C'est le télo. Télo ou této? Télo. Télos. Télos. Télos. D'accord, télos. Télos. Tu veux que j'en parle maintenant ou tu veux faire une pause musicale? On peut en parler juste maintenant, puis je ferai la... C'est long, ton... Oh ben, je vais essayer d'être concis. Non, mais sinon... écoute, ce que je propose à nos auditeurs et auditrices, il est alentours de... Bah, il est pas loin de 15h, puisqu'il est 14h58. On est toujours sur la radio Arc-en-Ciel, sur Orléans, 96.2. Ce que je vais faire, bah, je vais vous envoyer en voyage avec un homme que j'adore aussi écouter, qui s'appelle Gigi Cole, et qui va... Alors, veuillez pardonner mon anglais, qui va nous interpréter un morceau, bien sûr, enregistré, qui s'appelle 13 Days. De Gigi Cole, mais ne rêvez pas, je le redirai pas en anglais. Non. Donc on était parti, Sylvie, j'espère que tu n'es pas partie avec Gigi Cole. Non, j'aurais bien aimé. Ouais, j'imagine bien, avec un petit coup avec un Clapton dans une voiture. Voilà, une évasion. Tu peux rêver. Et donc on était parti sur le de l'explication du Télos. Oui, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion d'individuation. dont a parlé beaucoup Jung et qu'on peut observer dans les séries de rêves, qui est la tendance de l'être humain et de sa psyché à devenir lui-même, c'est-à-dire un être humain. Et comme je disais à ce moment-là, la tendance aujourd'hui est de croire qu'on doit réaliser absolument quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça que moi je préfère le terme de telos. Alors telos, ça vient du grec ancien et ça veut dire le but. Et les philosophes grecs en parlaient de ce but humain de devenir des êtres humains. Et là on a vraiment la notion de le gland qui doit devenir un chêne et pas un bouleau. Le chaton qui doit devenir un chat et pas une belette. Et donc le bébé humain qui doit devenir un adulte humain. On est plus dans ce mouvement de la nature, de devenir ce que l'on est à l'origine. D'accord. Et pas essayer de se voir développer, évoluer vers quelque chose de plus grand. C'est pas quelque chose de plus grand, c'est quelque chose de plus vrai. D'accord. Et donc j'aime bien ce terme de telos à la place d'individuation. Et c'est moi ça. Hein. D'accord. D'accord. Donc le c'est, oui, bah c'est toi. Ça ne peut pas être ton frère si c'est toi. C'est vraiment comme si. C'est pas vraiment comme si, parce que c'est vraiment ça. À partir du moment où on s'incarne et où on est, il y a une pulsion de vie qui est là et qui veut se réaliser en tant que pulsion vitale. D'accord. À travers un être humain. Et cette pulsion vitale, elle va nous pousser justement à incarner l'être humain que nous sommes, et si possible dans la joie, en évitant les souffrances qui, elles, représentent des obstacles. D'accord. Ok, bah écoute, moi je pense que tu peux encore développer un petit peu parce que bon, on n'est pas en retard sur l'horaire. Hein. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, mais voilà, après, va pas commencer à me griller mes questions. J'ai pas encore fini ton interrogatoire, chère Sylvie et Sid pour les intimes. D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil tout à l'heure avec Sid. Voilà, donc. On a passé sur le côté telos, qui me paraissait être dans ma lecture une erreur de frappe, mais non, c'est bien une explication. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc dans le côté des rêves, j'ai souvent entendu dire que les rêves, bien souvent, ce sont des prémonitions et que ces rêves peuvent nous dire l'avenir. Ah, mais ça, c'est la grande question. Ah, this is the question. C'est la grande question. Ben, je vais répondre oui et non. Ah, t'es pas ch'ti, toi, t'es pas du côté du Nord, peut-être bien oui, peut-être bien non. T'es pas normande. Non, c'est pas les ch'tis, c'est les normandes, peut-être bien oui, peut-être bien non. Alors, en fait, ce que donnent les rêves, clairement, c'est une dynamique en mouvement. Il y a vraiment une dynamique qui est en train de bouger et qui avance. Et en ce sens, ça annonce un futur. Ça, c'est clair, parce que si on dit que ce sont des rêves prémonitoires, moi j'en ai fait plein, et des fois des années avant, c'est-à-dire à une époque où j'étais incapable de comprendre ce qu'ils racontaient. Et donc dans ce sens, on peut dire qu'ils annoncent le futur, mais en tant que dynamique en mouvement. Ils vont pas dire clairement des choses, ils parlent pas de façon littérale. Par exemple, si je rêve que mon voisin se noie dans l'océan, ça veut pas dire que mon voisin va se noyer dans l'océan. Ça veut dire qu'il y a une partie masculine dans mon inconscient qui va s'éloigner de moi, qui va changer, qui va se modifier. Et c'est là qu'intervient le langage de l'inconscient que l'on doit connaître pour pouvoir lire un rêve. Si on prend un autre exemple, quand je rêve que j'ai un accident de voiture, ça ne veut pas dire que je vais avoir un accident de voiture. Oui, ça peut arriver de temps en temps, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, mais la plupart du temps, ça veut dire que sur le plan de ma psyché, mon mode de pensée, mon comportement, je suis en train de faire quelque chose qui va me blesser. D'accord. Mais là, tu parlais d'accidents de voiture, bon, des choses comme ça. C'est vrai que quand on rêve de ça, on est deux, voire trois, voire quatre fois plus attentif la journée quand on roule. Oui. Voilà. Tu parlais de tu, Tu parlais de, comment dirais-je tout à l'heure, de, avec un mot un petit peu barbare pour moi, des images juste avant de partir vraiment dans le subconscient, les hypnagogiques. Voilà. Moi, il m'arrive très fréquemment, de, alors peut-être que tu vas pouvoir me l'expliquer. Là, je fais une analyse directe avec ma sœur. Tu me feras pas payer d'ailleurs. Hein. Je rêve, ça m'arrive fréquemment de des images comme ça spontanées de crash de voiture, de voilà, juste avant de m'endormir, j'ai un accident. Voilà, c'est simple. Ouais. Et donc la journée, tu fais gaffe à bien conduire. Non, même si je suis pas sorti le soir, je peux. J'ai voulu, sauter sur l'occasion pour parler de ça, mais bien souvent, je vais me réveiller, je fais vraiment. Peur. Alors, sur le plan symbolique, que représente la voiture? Voilà, la voiture et l'accident, surtout, le coup de frein. Alors, la voiture, c'est un véhicule. Donc, c'est notre véhicule dans la vie. C'est la manière dont on mène sa vie et dont on se comporte, les actions qu'on met en œuvre, les choix que l'on fait, etc. Et donc, ton image, elle est en train de te dire que tu es en train de faire quelque chose qui va mettre en souffrance ton être intérieur. D'accord. Il y a quelque chose à rectifier dans ton comportement, dans ton attitude et dans tes choix. Mmh. D'accord. Il y a des réactions qui sont pas les bonnes. Ah. Et c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas à lire de façon littérale. Là, sincèrement, je flippe parce que je sais qu'il y a une personne de temps en temps à côté de moi qui va me dire, et ça m'arrive, tu sais, je suis un petit peu comme papa, je m'endors souvent sous le canapé ou autre après des bonnes journées, et elle me dit, non, ça va pas la tête, puis elle me voit freiner en plus, hein, avec mon pied, je vois l'utile à l'agréable, je freine, elle me dit, mais ça peut être pire parce que on rêve, voilà. On peut arriver à rêver qu'on meurt. Oui, tout à fait. On voit l'accident, mais on se voit mort. Moi, je me rappelle d'un rêve où j'étais morte et j'étais même dans mon cercueil. Il y avait quatre types qui portaient mon cercueil avec des bougies. Donc là, pas de panique non plus. Ça ne veut pas dire que je vais mourir physiquement. D'ailleurs, je ne suis pas morte. Ben non. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de mourir à ce que j'étais. Je ne serai plus jamais la même qu'avant. Il y a quelque chose qui change. D'accord, mais ça. Et là, la série, elle est intéressante parce que on peut voir avant le rêve de la mort, quels étaient les obstacles, les trucs difficiles, les trucs sombres, etc. Et on peut voir après ce rêve de la mort, qu'est-ce qui va s'éclairer, qu'est-ce qui va jaillir de nouveau. D'accord. Donc c'est passionnant, mais c'est passionnant dans le sens où c'est de nous-mêmes que ça parle. Ouais, donc c'est vachement important. D'accord, mais moi je sais que ce genre de flash là, je vais prendre plus le mot flash pour moi, c'est vrai que c'est hyper flippant, et en plus de ça, je dois être, un petit peu en apnée, parce que tu vois, j'ai un gros sursaut là, et j'ai le palpitant, si je me prends le truc, je suis à 180 quoi, donc, et surtout qu'à côté, madame n'est pas contente, elle me dit, mais je vais plus monter avec toi en voiture quoi, t'es dangereux. Voilà, et des fois elle me voit freiner avec le pied gauche. Donc tu vois, c'est pour te dire que c'est vraiment alors qu'on freine pas avec le pied gauche, à moins d'être pilote de rallye et qu'on fait du double de la touche double pédale. Mais voilà, donc ouais, c'est assez je vous raconte ma vie là, je vous raconte ma vie. Mais voilà. C'est pire que ta vie, tu nous racontes ton intimité la plus intime, parce qu'avec les rêves, on connaît vraiment l'intériorité des gens, hein. D'accord, ouais, mais après, bon, je veux dire, en tant que praticienne, quand tu le fais, après, bon, il y a, je pense aussi, le côté confiance, quand les personnes se confient à toi, et aussi le côté professionnel, le côté, je veux dire, de garder ça pour soi, un petit peu comme vont les faire les cartes mancières, enfin, tout l'astrologie, l'astrologie... Ah non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a le côté, quelqu'un qui va tirer les cartes, et je sais que tu connais un petit peu la partie, elle va pas aller raconter à tout le monde, tiens, un tel est venu faire tirer les cartes, et j'ai vu ci ou j'ai vu ça, tu vois ce que je veux dire, ça reste. Non, mais on peut avoir tendance à raconter un peu ses rêves à tout le monde. Oui, mais moi ça m'arrive. C'est pas toujours négatif, hein, parce que ça nous amène à la question de savoir est-ce qu'on peut interpréter ses rêves tout seul. Alors, on peut le faire une fois qu'on a appris. On va le voir tout à l'heure. Okay. Hein, on va le voir tout à l'heure. La question qui me taraude, hein, donc toujours sur Arc-en-Ciel 96.2, sur Orléans, dans l'émission Didier & Co, la question la plus qui me taraude à l'heure actuelle, c'est comment je peux me souvenir de mes rêves si je ne m'en souviens pas. Je pense que tu me tortilles l'esprit, je vais te torturer le tien un petit peu. Je répète, alors, comment je peux me souvenir de mes rêves si je ne m'en souviens pas? Il y a des gens qui se rappellent beaucoup de leurs rêves. Des fois, c'est par période. Et puis, il y a des gens qui disent, oh, ben non, moi, je me rappelle jamais de mes rêves. Donc, comment je peux faire? Donc là, il y a plusieurs recettes qui se trimballent sur Internet. La recette qui basique, c'est déjà, avant de vous lever, notez tout de suite le rêve avant qu'il s'évapore. Je vous ai parlé de parfum tout à l'heure, hein, c'est un peu la même chose. Même si vous vous rappelez que des bribes, qu'une phrase ou que n'importe quoi, vous le notez, parce que ça évite de le perdre. Ensuite, il y a plein de techniques qui diraient manger ci, boire ça. Franchement, moi j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche pas. Il y a aussi des gens qui nous disent qu'il suffit de se coucher en demandant à l'inconscient de rêver de ci ou de ça. Ça marche pas souvent. Ça marche de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé une fois. Voilà, en 60 ans, c'est pas beaucoup. Et il y a un exemple cité par Tristan Moir, qui est un onirologue vraiment sympa et très compétent, qui raconte dans un de ses livres qu'il était dans une période où il rêvait pas trop, donc il se couche le soir en demandant à son inconscient un signe. Et en fait, il se met à rêver et il voit le mot RAS, rien à signaler. Donc ça peut arriver, mais c'est pas la majorité des cas. C'est l'inconscient, c'est lui qui décide, hein. C'est pas le conscient. Le conscient, il a très peu de pouvoir sur l'inconscient. Il peut dealer, il dialogue, il active, il met en œuvre, il incarne, mais c'est l'inconscient qui mène la danse. Hein. Ah, d'accord, voilà, tu as répondu à ma question. Qui est le plus fort, c'est l'inconscient. Ah bah oui. D'accord. C'est la partie, en fait, dans le cerveau, dans notre être, hein, c'est la partie immergée de l'iceberg. Oui, ben il y a c'est une image connue de l'iceberg où on voit que le petit point en haut là qui représente la conscience et puis la partie énorme en dessous qui représente l'inconscient. C'est vraiment ça. Sachant que notre inconscient personnel, il est relié à l'inconscient familial, qui est relié à l'inconscient de la communauté et à l'inconscient de toute l'humanité et ensuite à l'âme du monde. Donc tu vois, c'est un puits sans fond. Ben ouais, j'imagine que ouais, c'est assez puissant. Et on peut puissant, avoir accès à ces différentes parties dans les rêves. Hein. Ouais. Mais moi, je sais, tu disais tout à l'heure comme le parfum de se lever et de noter ses rêves. Pour moi, souvent, ça devient difficile parce que je rêve souvent juste avant de me réveiller. Oui, mais on rêve tous avant de se réveiller. Ouais, en fait. Mais on s'en aperçoit, justement, on s'en souvient ou on s'en souvient pas. Mais quand ce sont des rêves qui me marquent, je vais me lever, même si je veux aller le noter, je me rappelle plus de rien. Je sais que j'y rêvais, je suis dans un état second de bien-être ou de mal-être, suivant le rêve, et je vais vraiment avoir que des bribes. Donc, pour toi, tu dis qu'il est très important de les noter et qu'après on peut se les expliquer. Et ça, c'est vraiment où j'ai mal compris, où j'ai pas entendu, où tu l'as pas dit. Mais de les noter, ça va te servir à quoi? Déjà, à moins les oublier, parce que des fois, tu te rappelles ne serait-ce que d'une bribe de rêve pendant 3 secondes, et après, tu vas l'oublier. Donc, de le noter tout de suite, ça limite l'oubli. Et plus tu vas faire attention à tes rêves, plus tu vas respecter tes rêves et les approcher avec beaucoup de bienveillance aussi, plus tu vas y porter attention, et plus tu te souviendras, plus tu seras en bon rapport avec l'inconscient. Et là, une question que je n'avais pas notée, c'est la question bonus de l'émission Didier & Co. Quand je parle, quand je rêve, et que je parle en même temps, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'être à ce niveau-là? Parce que on peut parler, on peut chanter. Moi, je me suis vu siffler, hein, pas parce que mon épouse ronfle ou pas, mais siffler. Et madame m'a dit, mais tu sais, des fois, tu siffles dans la nuit. J'attends, tu rigoles. Je ne sais pas trop, mais j'imagine que si dans le rêve on parle ou on chante, etc., il ne faut quand même pas oublier que le corps et, l'esprit, l'âme, l'inconscient, ils sont complètement liés. Donc si l'énergie que l'on met à parler ou à chanter dans le rêve, elle se transmet au corps physique, ça n'a rien de mystérieux. Hein. D'accord. Je veux dire, voilà, c'est quand même lié par rapport à... Des fois, ça peut être gênant aussi, suivant l'état des paroles. Mais le fait, ouais, c'est quand même... Voilà, il y a une liaison qui est faite. Moi, je sais que une fois, j'ai reçu... Là, je viens de regarder sur mon téléphone. J'ai reçu une ou deux questions, donc on aura peut-être le temps de les passer. Parce que j'ai même... après, c'est toi qui guide aussi. Est-ce que tu souhaites continuer là pour l'instant sur l'analyse et expliquer, ou est-ce que tu veux qu'on réponde à quelques questions? On a un petit peu le temps, ou est-ce qu'on le verra dans la dernière demi-heure, comme tu le souhaites? Bon, on verra en dernier. D'accord. Ok. Donc, je vais reprendre un petit peu le film de mes idées. Alors, j'avais noté des questions, mais tu vois, je sais pas si c'est le fait d'être en bonne compagnie avec quelqu'un que l'on estime et qu'on aime beaucoup, sa frangine. Mais tu vois, les questions, je les lis pour ainsi dire pas. J'ai pas... Ça me vient comme ça, quoi, d'entrée. Et tout à l'heure, tu étais parti sur une explication. Je t'ai coupé et je vais te la poser maintenant. Donc, peut-on... analyser nos rêves seuls? J'avais commencé à répondre oui. Bien et oui. Non. Alors, on peut les analyser seuls si on a appris le langage du rêve. Dans ces cas-là, on peut le faire. Mais la difficulté, c'est qu'on va tout de suite projeter nos désirs et nos peurs dans les interprétations. Donc, il faut vraiment prendre suffisamment de distance et tourner autour du rêve comme si on n'en connaissait absolument rien. Donc ça, c'est un conseil de Jung et ça marche quand même assez bien. Ça va marcher pour les rêves les plus simples. Mais après, dès que c'est un rêve un petit peu plus complexe, ça va être compliqué sans se faire accompagner de ce qu'on peut appeler un témoin lucide qui n'a pas d'enjeu émotionnel avec nous. Et qui sera une aide précieuse parce qu'il pourra nous envoyer un regard neutre, en fait. Hein. D'accord. Donc on peut le faire, mais c'est vraiment compliqué. Oui, on peut. Il faut vraiment connaître, parce que bon. Après, tout le monde est. C'est une langue, hein. C'est comme si on apprenait le japonais, le chinois. On apprend le langage symbolique. Après, c'est un langage qui est très simple. Après, on a la façon d'expliquer nos propres rêves, enfin de nous les expliquer de la manière que ça nous arrange. La manière dont tu vas... En fait, ce qui se passe quand on fait faire des analyses de rêve, on commence par... donc, on l'a noté, et on commence par le lire. Et ce que l'on a écrit, les mots que l'on a choisis et la manière dont on le lit va donner beaucoup d'indications. D'accord. Pour la lecture derrière. Il va y avoir des moments avec des réactions émotionnelles particulières, il va y avoir des lapsus, des erreurs dans le langage, et ça va nous donner des indications aussi sur l'inconscient. D'accord. Ok, juste avant une page, j'allais dire publicitaire, mais non, une page musicale qui va venir. Une petite question, encore une. Ça, c'est plus personnel. Tu y réponds si tu as envie. Si tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas. Mais comment es-tu venu à l'analyse des rêves et pourquoi? Moi, j'y suis arrivée par deux chemins. Le premier, c'est l'apprentissage de la psychosynthèse, qui m'a menée à l'étude des mythes et des archétypes, et dont je retrouvais des schémas dans les rêves. Donc ça, c'était une première approche. Et ensuite, parce que j'ai moi-même été confrontée à l'inconscient, qui un matin m'a dit « Dis donc, Cocotte, il va falloir te réveiller ». Et là, j'ai commencé à rêver, mais c'était tout le temps, toutes les nuits. Même si j'avais pas envie si j'avais pas le temps, j'avais envie de faire des siestes et je rêvais. C'est un peu comme si l'inconscient me disait, là, il est temps de s'occuper de ça, occupons-nous de ça. Et c'était tellement fort que moi j'ai pété un câble à l'époque. Je me suis dit, mais je deviens folle avec tous ces rêves. Et c'est Jung qui m'a sauvé la vie parce qu'il raconte un peu la même chose. Lui, comment il a commencé à s'intéresser aux rêves. Il avait rêvé un grand rêve qui représentait un schéma d'archétype avec Siegfried, d'une mythologie nordique. Et quand il s'est réveillé le matin, il était vraiment secoué. Et il y a quelque chose qui lui a dit... Soit tu comprends le rêve, soit tu te tires une balle dans la tête. Oui. Et il a eu peur parce qu'il avait une arme chez lui. Ah oui, et il a eu peur que dans son inconscient, il puisse se mettre... Il a eu peur d'avoir une pulsion suicidaire, en D'accord. fait. D'accord, oui, ok. Et moi, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, c'est comment l'être humain, pas juste à Jung et à moi, mais c'est comment à tous les êtres humains d'être à un moment donné confronté à l'inconscient qui dit donc, il faut s'occuper de ça. Et c'est là que j'ai couplé avec la première raison et j'ai commencé d'abord à noter tous mes rêves, les faire analyser par quelqu'un d'autre. Et puis petit à petit, je les ai de plus en plus analysés moi-même. Mais quand c'est des rêves un peu compliqués ou chargés, je me fais toujours accompagner. D'accord, oui, tu peux pas, même toi en ayant une certaine expérience en la matière, tu peux pas analyser tous mes rêves, tous tes rêves de toi-même. Je pourrais le faire, mais il y en a certains, je serais pas assez sûr de moi. Je sens que j'ai besoin d'être écouté. Tu peux pas t'induire toi-même en erreur parce que ça t'arrange plus que ça. Si, c'est ce que je disais. Quand on fait tout seul, on va projeter ses désirs et ses peurs. Pour ses réalités, pour des réalités, d'accord. Alors que la personne à l'extérieur, elle va pas être mêlée à ça. Elle va avoir un regard beaucoup plus distancié et objectif. Donc voilà, on peut analyser ses rêves avec l'apprentissage du langage, beaucoup de distance pour des rêves, disons, plutôt simples. Mais les rêves un peu plus chargés, c'est vraiment très compliqué. D'accord. Ok. Écoute, je pense qu'on va faire le petit clin d'œil que j'avais dit tout à l'heure. Je sais que dans le côté intime ou les gens qui te connaissent, on va dire plus précisément, font le raccourci de Sid. Sid, parce que je sais que tu es une fervente écoutrice d'un dénommé Sid Barrett. Je t'entends très très mal. Alors, j'essaie de me rapprocher un peu plus du micro. J'ai baissé la tête. Est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais, est-ce que ça passe? Ouais, parce que voilà, c'est un micro directionnel et dès qu'on penche un petit peu la tête, si on n'est pas en face de la sucette, comme on dit, on entend la voix qui part un petit peu. Donc je te disais, on va faire un petit clin d'œil à ton diminutif j'adore ton diminutif, Sid. Sid qui a une relation avec Sid comme Sid Barrett, si tu connais cette personne-là, je pense. Sid Barrett, Sid Vicious, oui, bien sûr, j'adore. Ouais. Écoute, je pense que j'ai trouvé ça pour toi. Ah, c'est super, merci. Open your eyes and don't be blind. Can't you see we're two of a kind? I gotta say this, I hope you don't mind. I love you, we're two of a kind. Just ask yourself and you will find. We go together, we're two of a kind. No use protesting, be resigned. Baby, you know we're two of a kind. I knew it when I saw you. I felt it a little more when I talked with you at first. All my blues dispersed. I could disguise my complete surprise when you were feeling it too. I'm in love with you. I'm in love with you. to say we're two of a kind. I gotta say this, I hope you don't mind. I love you, we're two of a kind. Open your eyes. Voilà un petit voyage avec Syd Barrett. Est-ce que tu as tout bien entendu? Oui, j'ai entendu un petit peu, mais c'est lointain. Ah bon? Parce que le son était trop baissé. J'essaye hein, avec la console. Je vous promets, c'est vraiment. Ben un jour, je vous emmènerai un petit peu visiter la station d'ailleurs dans pas longtemps, et je vous ferai voir un petit peu tout ce qu'il faut faire. Alors, je voudrais dire que quand j'ai mon parrain albino de l'émission Mavrica qui est avec moi, ben je me sens un petit peu soulagé. Mais aujourd'hui, il m'a dit, tu te débrouilles tout seul, mon garçon. T'es un grand garçon. Et tu vas pas rêver que je sois là tous les jours. Donc, vas-y, vole de tes propres ailes. Et j'essaie. Et apparemment, on baisse un petit peu trop le son. Sur le podcast, on essaiera de rebooster un petit peu tout ça. Donc, pour revenir un petit peu à nos moutons, puisque les moutons font partie du rêve, oui, puisque on les compte. On le compte. Comment se passe un accompagnement en présentiel, en visio par exemple? En fait, en visio, ça se passe de la même manière qu'en présentiel. On va commencer par amener un rêve ou un ensemble de rêves, ça dépend où on est l'accompagnement. On va les lire et puis après on va faire de l'analyse, c'est-à-dire on va travailler sur différents plans. On va faire ce qu'on appelle de l'association. L'association, c'est rattacher l'image à quelque chose qui nous parle ou pas. Par exemple, si je rêve d'une maison, cette maison, est-ce que je la connais ou est-ce que je la connais pas? Donc ça peut être, je la connais pas. Si je la connais, c'était celle de ma grand-mère, de mon grand-père. Donc déjà, ça va donner des indications précises, hein, si c'est une maison qu'on connaît, parce que ça va nous indiquer que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on a intégré émotionnellement au moment où on était dans cette maison-là. Donc ça, c'est très personnalisé. C'est pour ça que c'est difficile d'utiliser des dictionnaires de rêve, parce qu'ils permettent pas ça. Ils sont généraux et ils font l'analyse en général. Donc ils sont utiles quand ils sont très bien faits. Et donc là, je peux conseiller celui qu'a produit Tristan Omoir, hein, moi je l'utilise, c'est le seul que j'utilise. Mais après, il faut faire quand même tout le travail d'association. Est-ce que ça correspond à quelque chose de ma vie, à quelque chose que j'ai vécu? Ça, c'est un premier niveau. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle de l'amplification. Est-ce que l'image dans le rêve correspond à un schéma archétypal? Par exemple, à quelque chose qu'on connaît dans un mythe. Donc ça, c'est plus compliqué parce que il faut connaître beaucoup de mythes et savoir quels sont les schémas qui se trouvent à l'intérieur. Par contre, quand on en identifie, c'est très riche parce que ça indique vraiment que c'est un processus psychique que tous les êtres humains peuvent traverser, qu'ils ont traversé déjà avant puisqu'on les retrouve dans les anciennes mythologies. Et donc c'est vraiment très riche parce que le mythe va nous donner des clés qu'on ne peut pas avoir consciemment. D'accord. Et d'où ça explique le lien que moi j'ai fait très vite entre la mythologie, les archétypes et les rêves. Alors je peux donner par exemple deux exemples de rêves avec cette présence d'amplification et des archétypes. Je me trouve au bord d'une rivière, je suis assise, donc en fait je suis en train de regarder le flux de la vie qui passe, et je vois d'une forêt sortir un homme avec une tête de chien, et il fait des grimaces avec sa tête. Moi je le regarde, je suis un peu surprise, il est bizarre cet homme, et je lui demande « comment tu t'appelles ?» et il me dit « je m'appelle Anubis ». Et donc là, c'est très facile puisqu'il me dit son nom. Anubis, c'est un dieu égyptien qui accompagne les morts. En fait, c'est lui qui fait les bandelettes là autour des morts. Et donc c'est très parlant. Ça m'indiquait encore une fois que sur le parcours de ma vie, j'allais passer par un processus psychique de mort et de renaissance à moi-même. C'est-à-dire un jour, je serai plus la même que celle que j'étais avant. Et pour le deuxième exemple, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de nom qui était exprimé. Je marchais avec une amie sur un chemin et je voulais aller acheter des cigarettes. C'est et puis bon, l'amie ça. Me dit dans le rêve, j'ai envie de faire pipi. Oui. Et en fait, elle se met contre un mur, dos au mur, face à moi. Elle reste debout, elle écarte les jambes et je vois son sexe en fait. D'accord. Et donc ça, moi, je sais que ça correspond à la déesse Bobo. C'est choquant, ça. Chez les Grecs ou Uzumé en Égypte, et je sais exactement quel rôle elles ont dans le mythe, c'est-à-dire celui de la première libération d'un féminin qui est en souffrance. Donc là, le rêve me disait quelque chose de très particulier. Et donc voilà, on peut regarder les images, les articulations, ce qui se passe. Chaque objet, chaque petit détail est important, les couleurs sont importantes. Oui, les couleurs, oui, on en a pas parlé un petit peu des couleurs, où on l'a survolé un petit peu tout à l'heure. Là, ça faisait partie des questions que j'avais notées. Ça, parce qu'on le retrouve, en pratiquant certaines phases du yoga quand on est en. Quand on fait de la respiration ou autre, oui. Du pranayama, je vais y arriver, et on se met entre le conscient, le subconscient, et par rapport au biais de musique qu'on peut avoir, on se projette une couleur, une image, et on sent en nous. Donc, est-ce que ça a un rapport avec le rêve? Est-ce que on est. Oui, parce que dès que tu modifies ton niveau de conscience, Tu ouvres la porte justement à ces mouvements de l'inconscient, donc tu peux avoir accès à son langage, donc, à ses images, à ses couleurs, à ses sons. Ça peut être de la musique, je l'ai expliqué un petit peu différemment quand j'ai fait une chronique avec dans l'émission Mavrika sur la musique et les gens qui certains compositeurs et compositrices de notre temps ou du temps d'un petit peu avant composaient en voyant directement les couleurs différentes dans la musique. Et je pense que dans les rêves, c'est un petit peu pareil. On voit, moi, ça m'arrive de temps en temps de voir, en méditant, de voir des ruisseaux, si tu veux, en image, hein, de couleurs différentes, suivant mon état, suivant mon envie. Et ça fait partie du rêve, alors. Oui, mais tout fait partie du rêve. Tu dis chaque détail va compter. Si je rêve de mon sac à main, alors ce sac à main, est-ce que je le connais, est-ce que je le connais pas, est-ce que c'est mon sac à main, est-ce que c'est celui de matin, ouais, absolument, quelle est sa couleur, quelle est sa matière, voilà. Si c'est un sac à main en cuir, donc ça c'est plutôt de l'ordre de la joie, parce qu'on est dans une matière naturelle et originelle, s'il est rouge, c'est un sac avec lequel je porte mon féminin vivant, ancré, désirant. Si par contre j'ai un vieux sac tout pourri, rapiécé, alors de couleur blanche, c'est que je suis restée un petit peu dans les nimbes de la petite fille gentille. Si par contre il est tout noir, tout gris, c'est que le pauvre féminin à l'intérieur de moi, ben il y va pas bien du tout. Donc tu vois, chaque détail va compter, les formes, les objets, les couleurs, les mots qui sont dits. Alors l'inconscient a beaucoup d'humour. C'est plus un carnet qu'il nous faut, c'est carrément un cahier 21-29-7. S'il faut J'ai noter, pas entendu. Je disais, c'est plus un carnet qu'il nous faut pour noter nos rêves. C'est carrément un grand cahier 29-7 Ah oui, à 100 pages. C'est ça, et on note tout. Parce que tous ces détails là, moi j'ai je bois mon café et hop, ça y est, ça, tiens, il faut quoi, il faut que je note ça. Ah, je bois le café. Ah mince, je m'en rappelle plus. Comment m'en souvenir? Bah allô, Cid. Et ben justement, en parlant d'allô, Cid, petite question, toujours une question. Est-ce qu'il y a moyen de te joindre? Enfin, moi, je peux te joindre facilement, mais est-ce que les auditeurs, les auditrices, ils veulent avoir des renseignements sur ce que tu fais, s'ils veulent avoir éventuellement une visio ou autre? Est-ce que tu me permettras de mettre en ligne ton lien éventuellement, ou est-ce que les gens pourront t'appeler? Tu me diras ça hors. D'accord, ok. Hein, si voilà, parce que j'ai reçu un petit message là. Ah ouais, maintenant je fais des erreurs en technique, mais j'arrive en même temps à lire mon téléphone. Donc c'est pour dire que je fais des. Ouais, je progresse. Et là, je rêve pas. Hein. Non, j'ai reçu deux ou trois petits messages. Et alors il y en a un qui m'a dit parle-moi, mais c'est pas moi qui parle le plus. Vous rêvez là. Voilà, eh ben écoute, on en arrive, il est 15h36, toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes toujours dans l'émission Didier & Co. Et on est toujours donc avec Sylvie Verchère, ma frangine. Ah oui, parce que moi, en tant qu'animateur, c'est Didier Verchère. Et on est sur l'analyse des rêves. Et ben, on va en profiter, puisqu'on a encore à peu près une vingtaine de minutes ensemble. Voilà, donc moi, j'ai reçu par messagerie privée, voire par mail, quelques questions. Est-ce que tu es prête à éventuellement y répondre? Tu réponds si tu veux ou pas, si tu veux pas. Je suis prête, je vais faire du mieux que je peux. Voilà, donc j'ai une personne qui s'appelle Luc, qui est de la région orléanaise. Il n'a pas voulu me dire d'exactement où il était, mais lui, par contre, il m'a carrément précisé un rêve. Alors j'ai retraduit ce qu'il m'avait dit. Donc tu vois, j'ai pris des notes. Hein. J'ai rêvé que je suis sur une falaise en bord de mer, en maillot de bain. Je veux plonger dans l'eau, mais une personne me retient. Je dois attendre mon tour, et quand celui-ci arrive, je plonge, mais en fait, je nage dans l'air. Qu'est-ce que cela veut dire, s'il vous plaît? Alors, sans faire les associations, c'est un peu difficile, mais on peut quand même voir certaines choses. C'est que ici, dans son monde psychique, il y aurait un besoin d'aller voir ce qui se passe dans l'inconscient, parce que tout ce qui est mer, océan, etc., c'est tout le monde émotionnel, mais c'est aussi le monde inconscient. Donc là, il est à la falaise, il devrait plonger pour aller voir ce qui se passe. Sauf qu'il y a une entité, une figure qui le retient, donc ça serait intéressant de voir avec lui, est-ce que c'est une ombre ou est-ce qu'il peut identifier cette personne. C'est une instance présente qui a été certainement introjectée, donc ça peut être le père, la mère, etc., ou quelque chose qui est resté dans son inconscient et qui lui a transmis que ben non, on va pas voir dans l'inconscient, on n'y va pas. D'accord. Bon, il finit par y aller quand même, sauf qu'il plonge pas dans l'eau, il plonge dans l'air. Et il vole en fait, il nage pas, il vole. Enfin, il nage, ouais. Alors, quand on rêve qu'on vole, c'est qu'on est déconnecté de la réalité. On n'est pas ancré, on n'est pas incarné. Je suis souvent déconnecté de la réalité. Et bon. Ça, on n'aime pas trop parce que les rêves où on vole, ils sont vachement agréables. Ah ouais. Ben oui, mais on n'est pas incarné. D'accord. On vit dans un monde enfin c'est l'inconscient supérieur, mais je j'ai pas le temps de rentrer dans oui, dans oui le non détail. Mais bien sûr, moi j'ai noté ça assez vite, si tu veux. Je sais que donc je lui conseillerais de dire à la personne qui l'empêche de plonger de lui lâcher la grappe et puis de plonger, parce qu'il a le maillot de bain, il a tout ce qu'il faut. Ben, bien sûr. Ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, quand il rêve ça, il adore aller en Corse, et quand il est au-dessus de cette falaise, en fait, il est en Corse. J'ai oublié ça vient de me revenir, et il est sur une falaise du côté de la Corse. Voilà, donc je lui transmettrai, je sais pas si elle l'écoute ou pas, mais bon, Luc, si tu nous entends, écoute bien le bonjour. Et plonge, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai Céline de Gien, qui m'avait dit, je ne me souviens pas souvent de mes rêves. Que puis-je faire? Ben ça, je pense que tu l'as répondu tout à l'heure, mais je renoterai un petit peu. Alors j'ai Sonia, beaucoup de femmes, hein. C'est quand même. J'ai rêvé que je trouvais un trésor dans une grotte. Je me demande bien ce que ça veut dire. Alors, à la base, c'est un très joli rêve, hein, parce que un trésor, c'est quand même toujours vachement bien. A priori, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle appelle un trésor. Est-ce que c'est un trésor de pirate? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est ouvert? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il y a des pierres précieuses? Qu'est-ce qu'il y a dedans? À quoi ressemble la grotte? Petite, grande, ou connue, inconnue, etc. Mais si on le prend brut de pomme, le trésor à l'intérieur de la grotte, donc la grotte, c'est aussi une figure de l'inconscient, de l'intériorité profonde de l'être que nous sommes, et ça indique qu'elle possède un trésor à aller récupérer au fond d'elle-même. C'est d'accord. Un très joli rêve. Alors, j'ai Pierre de Saint-Jean-de-Bray. Pourquoi l'inconscient nous parle? Allô, m'entends-tu? Inconscient, es-tu là? Excuse-moi, en fait, Pierre. Il nous parle, c'est parce qu'on l'entend qu'il nous parle, mais c'est pas qu'il nous parle, c'est qu'il est en processus, lui. D'accord. On peut imaginer ça comme des énergies qui bougent, qui font des trucs, hein, qui avancent, qui régressent, qui reculent, qui machin, etc. Et tout ça, ça se manifeste par un langage, donc ce langage symbolique. Hein, et nous, on peut capter ce langage et donc comprendre ce que nous dit l'inconscient. D'accord. Et souvent, donc, il nous dit, c'est là il y a de la souffrance, là il y a de la joie, donc fais ton boulot. Alors, voilà ce que j'ai reçu. Ça ne veut pas souffrir la vie. La vie qui veut émerger, la pulsion de vie, c'est la joie. D'accord. Aller vers la joie, c'est une pulsion vitale. Ok. Donc là, c'est une amie hein, qui bah, c'est un de ceux que j'ai reçus tout à l'heure sur mon messagerie privée. Kelly, qui est de la région aussi d'Orléans, elle me dit « Mes rêves sont totalement absurdes. » Ça veut dire quoi ? Ben, c'est quand on connaît pas du tout le langage symbolique, le monde symbolique, tous les rêves paraissent absurdes. C'est très souvent qu'on se réveille, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Oui, parce que des fois, c'est alambiqué, hein, c'est un petit peu tout n'importe quoi. Oui, c'est très souvent que c'est alambiqué, mais parce que c'est comme si on rencontrait quelqu'un qui parlait une langue étrangère, voilà. Et qu'on a complètement oublié. On n'a aucune référence, parce que nous, aujourd'hui, même si tu ne parles pas japonais, tu sens que c'est une langue asiatique. Mais là, ce serait quelqu'un qui parlerait une langue qu'on n'a jamais entendue. Un alien, quoi, quelque part. Voilà, et on dirait, mais c'est absurde ce qu'il me raconte. D'accord. Ben là, c'est la même chose. Ça peut arriver aussi de faire un rêve, de se réveiller pour une raison quelconque, hein, et de replonger dans le rêve tout de suite. Mais on est toujours dans ce même rêve, mais les données ont changé. En fait, c'est plus les mêmes personnes. On voit pas les visages. Enfin, on les voyait, on les voit plus. Ça veut dire des choses. Tout ça, okay. Ça veut dire des choses. Donc voilà, Kelly, tu as une part de ta t'as une part d'études à faire hein, sur le côté absurde. Hein. J'ai Awa de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Je pense que c'est tout après. Ouais. Je rêve souvent de ma grand-mère alors qu'elle est décédée depuis longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'elle me protège? Ah, ça c'est une bonne question. Alors si on rêve souvent de la grand-mère, c'est qu'il y a quelque chose à régler avec la grand-mère. Alors soit dans un sens, on va dire, vers la joie, plutôt pour pas dire positif. Qu'est-ce qu'on a hérité de la grand-mère qu'on n'a pas intégré, dont on n'a pas conscience? Peut-être que la grand-mère nous a légué, je parle d'héritage psychique, hein, je parle pas d'héritage matériel, mais des qualités ou des croyances ou des comportements qui pourraient être nourrissants pour nous, mais qu'on ne sait pas encore les mettre en œuvre. Donc là, la bonne grand-mère vient nous dire toc, toc, toc. Hein, ou alors, c'est une grand-mère qui nous a légué des valises un peu trop lourdes et on les voit pas non plus et on les porte sans le savoir. Donc là, l'inconscient, c'est déleste-moi de ces valises de la grand-mère. Donc il faudrait vraiment observer la grand-mère, savoir quel était le rapport avec la grand-mère, qu'est-ce qui se passe dans les rêves, est-ce que les rapports sont sympas, etc. Pour vraiment avoir la réponse. Ouais, bah j'ai Kelly qui vient de me renvoyer un message en me disant « Pourras-tu me donner le numéro de ta frangine ?» que dois-je lui répondre? Je pense qu'elle est derrière. Hein. Est-ce que je pourrais lui confier ton numéro? Bien sûr, comme ça tu verras directement avec Kelly, parce que je pense que voilà, elle a besoin d'explications et comme j'apprécie cette personne, je ferai en sorte, mais je préfère quand même de demander ton accord avant de donner le truc. Voilà, je vais m'accorder et je vous accorder aussi et t'accorder une petite pause, le temps de reboire un petit verre d'eau. Il est 15h44. Vous êtes toujours dans l'émission Didier & Co avec Sylvie Verchère qui analyse nos rêves et qui nous en dit beaucoup beaucoup et qui m'a bien malaxé le cerveau. Je vais passer sur un petit morceau musical et après on reprendra le cours pour la fin de ce dernier quart d'heure d'émission. Ok. With me, here I go, and I don't know why. Toujours sur Radio Arc-en-Ciel et nous sommes toujours en présence par téléphone de Sylvie Verchère qui analyse nos rêves et nous passons dans la dernière ligne droite, donc le dernier petit quart d'heure de cette émission auquel j'ai eu grand plaisir d'animer. Voilà, Sylvie, toujours, tu n'es pas partie non plus avec le papy. Tu es non, toujours là. Je suis pas partie avec J'ai peur depuis tout à l'heure que tu étais partie. J'ai peur que tu me lâches. Non, ne me laisse pas tout seul, s'il te plaît. Quoique, je mettrai de la musique. Voilà. Dans la dernière partie, je sais que tu aimes lire. Ta bibliothèque regorge de trésors. Tu écris également beaucoup. J'ai connaissance, j'ai connaissance qu'un autre sujet te passionne. Alors, serais-tu d'accord pour revenir dans l'émission en 2026, voilà, 2006, retour vers le futur, ou vers l'arrière. Pour en parler. Je pense qu'on on parlera un petit peu de l'Europe ancienne, la vieille Europe, hein, avec les Yamnaya. Oui. Hein, on préparera ça aux petits oignons. Voilà, on fera ça un jeudi après-midi à 14h jusqu'à 16h sur 96.2 dans Didier & Co. Et est-ce que tu as donc un prochain livre ou à quand ton prochain? Est-ce que tu as un scoop à nous donner là en fréquence? Je suis en train de terminer un livre sur les rêves qui détaille beaucoup plus tout ce que je vous ai raconté là. D'accord. Tu peux nous en dire un petit peu plus ou on peut toujours rêver? Je sais pas exactement quand est-ce qu'il sera terminé. Peut-être fin janvier ou quelque chose comme ça. En tout cas, je le mettrai sur les réseaux sociaux. D'accord. Et ça sera comment dirais-je, enfin tu mettras les liens pour le, je pense pas que tu mettes le lien directement sur les réseaux, à moins de la vente. Non, je mettrai les liens, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que là-dessus, bah, ça sera sur ta page, sur une page dédiée au livre, sur une page sur ta page. Je sais pas encore, sur le Facebook, bah, c'est sûr. Ça tombe très bien de nous parler de livres, parce que la semaine prochaine, dans Didier & Co, même endroit, même fréquence, même heure, j'aurai le plaisir de recevoir ben justement des gens du livre, des gens de la littérature, enfin de la littérature, de l'écriture, notamment Éric Duval, Christian Baudin et deux ou trois autres invités qui seront là, et ils vont justement nous parler un petit peu de leur livre, de ce qu'ils écrivent, et Christian Baudin sera là aussi en tant qu'éditeur et nous parlera de, comment dirais-je, surtout organisateur du salon Vitalité Rurale, nous parlera un petit peu de tout ce qui est livre, l'édition, comment ça se corrige, tout ça. Donc ils seront super. Ouais, ils seront en présence, là ils seront carrément dans les studios, je vais avoir 4 micros à gérer, et je sortirai ma baguette magique de temps en temps pour leur faire signe de se taire, parce que je sais qu'il y en a qui sont bavards, d'autres plus ou moins, et puis ouais, ça m'a fait tout drôle de recevoir Christian, qu'une personne que je connais très bien, et Eric aussi qui est un ami. C'est vrai que j'ai la chance dans ce lancement d'émission de recevoir et d'avoir pas mal de gens qui veulent passer, notamment des gens de connaissances et de compétences dans leur sujet. Donc ça sera jeudi prochain, 14h, Didier & Co, 96.2, Radio Arc-en-Ciel. Sylvie, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu faisais, de ce que tu voulais. Il nous reste encore 7 minutes, je pense qu'on peut encore bavarder. Si tu as payé ta facture de téléphone, on peut rester en ligne, sinon je serai obligé de te rappeler. Voilà, est-ce que tu veux passer un message personnel? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette émission ou autre? Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Prenez soin de vos rêves, parce que c'est vraiment des guides bienveillants et sûrs. D'accord. Voilà. Ouais, tu es courte là, tu m'arranges pas mon affaire. Ah, il me reste 7 minutes, j'ai 7 minutes à combler. Bien. Et là, je suis arrivé au terme de tout ce que je pouvais argumenter. Je rappelle que on pourra retrouver tes coordonnées sur la page Didier & Co. Je précise aussi de faire un petit peu de publicité à la Radio Arc-en-Ciel et de remercier donc toute le staff de cette association, qui est une association au départ portugaise, hein, c'est une radio internationale de langue portugaise, mais qui permet de parler aussi d'animer en français, voire aussi on a une collègue qui parle en anglais, hein, donc c'est assez sympa à l'écouter. Moi je l'écoute de temps en temps le lundi après-midi, donc il y a plein d'émissions. Et de leur faire un petit clin d'œil, puis en même temps, on est dans une période de fête, donc de souhaiter les bonnes fêtes à tous les gens sur cette terre, avec une pensée spéciale à Catelot. On va arriver au solstice d'hiver. Oui, bien sûr, ouais, c'est le 22, le moment où 22 décembre. Le jour tu peux est en parler le plus un petit court. Peu Mmh. C'est le jour le plus court, le moment où le soleil va renaître, hein, puisqu'on va repasser sur une période où les jours vont devenir plus longs. Et donc sur le plan symbolique, c'est aussi très parlant, c'est la mort et la renaissance. Hein. D'accord. Donc on peut très bien rêver de ce type de soleil-là, avec tout un tas d'autres symboles de mort et de renaissance. Hein. Il y a un lien entre ce qui se passe dans le concret et un lien à ce qui se passe dans la psyché. Et ça, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. C'est-à-dire qu'il y a un alignement entre ce qui se passe dans l'inconscient et ce qui se passe dans la vie consciente. Et là, c'est une petite merveille parce que c'est l'alignement. L'harmonie. Voilà, donc le solstice d'hiver et celui d'été, je pense que c'est le 21 juin, c'est le jour, je me rappelle, c'est le jour dit de la fête de la musique, vaste programme sur la fête de la musique. Si, voilà. C'est bien ça, hein. un univers ça. Qui avait été créé, enfin pseudo créé par Jacques Lang, mais qui avait été fait d'abord aux États-Unis en 1976, et c'est Jacques Lang a eu l'idée de la repasser le jour. C'est une très bonne idée, hein, de faire cette manifestation musicale. D'ailleurs, en parlant de musique, demain je serai en chronique dans l'émission d'Albino avec Alex Lebaille, qui est un chanteur local et qui a fait le privilège et le plaisir de me signer mon dernier livre. En avant la musique entre passion et business. Voilà, j'avais même oublié le titre. Ben écoute Sylvie, je te remercie de ce temps passé avec nous aux ondes de Radio. Écoute, c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer, donc je me suis pas ennuyée. Ouais. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, puis moi je commence vraiment à, je crois que c'est mon subconscient qui reprend, je suis en train vraiment de me relâcher là, tu vois, j'étais hyper hyper focus sur mes boutons, sur ouais c'est un bon exercice, mais c'est pas facile, et je remercie. Et puis maintenant tu vas noter tes rêves. Ouais, tu peux toujours rêver. Ah, oui, ouais, je te promets, mais tous les jours, je t'appellerai pour me dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut vraiment que je les note alors? Ah. Allez, on va se quitter avec un petit morceau, de Viva Albertine, Ife. Ah, super, Love, magnifique. Parce que je pense que tu connais aussi. Ah, ouais, j'adore. Eh bien, allez. Merci beaucoup, merci à tout le monde, aux éditeurs, aux auditrices, à toi et à Radio Arc-en-Ciel. Eh ben avec grand plaisir, Sid. Et voilà, donc on va se quitter avec ce petit morceau avant de basculer sur la radio internationale. Donc à toutes et tous, eh bien merci de votre écoute et à très bientôt. Donc à jeudi prochain. Allez, soyez sages. ouvintes a fazerem uns tais pastéis de nata. Para ouvir daqui a pouco, André Moutinho. O melhor de Portugal com Miguel Peixoto. Nas tardes de segunda à sexta, das 2 às 4.